sens que les nuages passent et se dissipent au loin. Marine, crois bien que j'aimerais te porter dans le vent demain. Marine, attends, patiente un peu, patiente encore, mon cher trésor. L'enfant de mes 20 ans, ma chair, mon corps, mon univers, mon or. Je te ferai une place dans le creux de mes bras. Marine, attends, patiente un peu, patiente encore, mon cher trésor. L'enfant de ses 20 ans, sa chair, son corps, son univers, notre or.